aïe. C'est le son qui sent les rues du bled, les odeurs du bled, les valeurs du bled. Frôler le ballon, pas loin de prendre 10 ans. Pour un truc balourd, je suis un cassos. On voit narguer le plan sauce, anti-harpos. La Kabylie ma source, ouais je les assosse. On est loin d'être parfait, mais l'amour et l'amitié avant le portefeuille. Le haram, je connais son parfum, guidé par la faim. Mais que je m'ouvre les yeux, me guide vers la fin. Sortir fusil, sachez, je bosserai jamais à l'usine. Je planque mes uncles et clandés. Dites-le à monsieur Sarkozy, Galbé. J'ai peur de l'obé pour marcher de travers. Je vais fonder une famille, devenir un bon père. Galbé, je veux pas te la faire à l'envers. Je veux voir la vie en blanc, rouge et vert. Bye.

les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Yeah. Suprême en direct sur Skyrock. Fatigué,